Alors bonsoir et bienvenue au Centre de l'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kem. J'ai l'habitude de vous faire des petites annonces du Centre de l'Universalité. Ce soir, il y a une nouveauté. Si vous achetez votre billet pour la prochaine conférence de Daniel, vous recevrez gratuitement l'enregistrement d'une de ses conférences au choix. Précédemment, on avait le droit à la première partie exclusivement, tandis que maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez choisir une conférence au choix parmi la liste des cassettes de Daniel Kemp. Il y en a plus de 110. Alors ça, c'est à l'achat de votre billet ce soir pour la prochaine conférence de Daniel, qui aura lieu le vendredi prochain à 20h et qui aura pour titre « Se libérer de la souffrance ». Je vous rappelle également qu'il est temps encore ce soir de s'inscrire au séminaire sur l'organisation du succès que va donner Daniel le 21 et le 22 juin prochain. Pour cela, voyez Mario à la pause. Alors, ce soir, il s'agit de traiter du sens de la vie en compagnie de Daniel Kem. Pourquoi vivons-nous? Alors, il est intéressant de faire le point de cette question-là au fur et à mesure que nous évoluons dans notre conscience et que nous retraçons de nouveaux objectifs de vie face ou par rapport à cette nouvelle conscience qui nous anime. Alors évidemment, au départ, pourquoi on vit? On vit pour former un couple, pour avoir des enfants, pour avoir une maison, une auto, une job créative, etc. Et il arrive un temps dans la vie où ces choses-là peuvent passer à un second plan, où il n'est plus question des biens seulement matériels, mais aussi également de s'assumer sur un plan de conscience. Alors on va avoir des précisions concernant ce thème en compagnie de Daniel Kem. Daniel, bonsoir. Lorsqu'on se pose la question pourquoi vivons-nous? Qui ou quoi en nous se pose la question? Bon, je commence sec. Autrement dit, avant même de se poser la question, on peut dire comme Brassens qu'on vivait heureux sous notre arbre. Et lorsqu'on commence à se poser cette question, lorsqu'elle vient à la conscience, évidemment, il semble qu'on ne soit plus autant assuré d'être heureux. C'est évident que plus l'homme se conscientise, plus il a de facilité à vivre une autre forme de malheur, un malheur qui est lié au fait qu'il est conscient qu'il ne sait pas grand-chose. Tant que l'humain ne sait pas qu'il existe, tant que l'humain ne sait pas qu'il vit, il ne souffre pas dans sa psychologie, il ne souffre que dans son corps physique. Lorsque l'humain prend conscience qu'il existe, qu'il vit, il prend automatiquement conscience qu'il veut vivre. Alors, automatiquement, il connaît la mort et il a peur de la mort. Ayant peur de la mort, il a peur de ne pas perdre la vie et, évidemment, il commence son cycle de connaissance de la souffrance psychologique. Alors, comme le dit François, pourquoi vivons-nous? La question pourrait être plus dangereuse si l'on se la pose comme cela. Qui vit? Donc, qui pose la question, pourquoi vivons-nous? On pourrait faire une autre conférence totalement différente avec le qui vivons-nous, parce qu'effectivement, il y a pourquoi on vit, il y a qui vit. Alors, on va rester dans le pourquoi vivons-nous. Et on pourra revenir qui vit un peu plus tard. Pour l'instant, sachons que celui qui vit, c'est celui qui pose la question, et en l'occurrence, c'est vous. Maintenant, vous êtes une pluralisation d'expression, c'est-à-dire que vous n'êtes pas une seule chose, une seule et unique chose. Lorsque, dans certaines théologies, on dit que l'être humain a un corps physique, que l'être humain a une âme, que l'être humain a un esprit, on divise déjà en trois la chose qui vit. On peut aussi la pluraliser un peu plus et parler d'un corps physique, d'un corps vital, d'un corps astral, d'un corps mental, d'un corps supramental, d'un corps bouddhique et d'un corps divin. Pourquoi l'être humain vit-il? Lorsque je dis que l'être humain existe dans le but de faire cesser l'évolution expansive de l'univers, cela veut dire que l'être humain a comme rôle fonctionnel de faire en sorte que l'univers se résorbe. Alors on pourrait dire que l'humain a un rôle, celui de détruire l'univers. Lorsque je dis détruire l'univers, je ne veux pas dire que l'humain a comme rôle de transmuer l'univers. Alors, lorsqu'une personne prend une arme à feu et tue quelqu'un d'autre, il ne le détruit pas, il le transforme. Lorsqu'une personne met le feu à un morceau de bois, il le transforme. Mais ce n'est pas cette définition que je veux amener au mot « détruire » dans le rôle de l'une de l'homme. L'univers, c'est quelque chose qui existe. Et l'univers est divisé, chez l'homme, chez l'humanité ancienne, en deux temps. Il y a un premier temps qui est un temps matériel. Ce temps matériel est perceptible lorsque l'on peut apercevoir, voir, percevoir le mouvement de la matière sur elle-même. C'est le temps. Et il y a un deuxième phénomène temporel qui est un temps illusoire et qui est un temps psychologique. Dans ce temps psychologique, il y a l'avenir, il y a le passé et il y a le présent. Et l'homme ancien se place sur une corde raide tendue entre son avenir et son passé, et l'endroit où il se trouve, il l'appelle présent. Alors sa vie donne l'impression qu'il devra passer celle-ci sur cette corde en essayant de ne pas tomber, de ne pas mourir, de perdre son avenir, et en essayant aussi de ne pas dévier de son passé parce qu'il tient garant à conserver avec lui ce qu'il a fait, étant donné que plus l'être humain se rappelle d'avoir vécu, plus il pense qu'il vit. On a déjà parlé en conférence que l'humain n'avait pas été placé sur la planète Terre par des dieux qui l'avaient créé simplement pour jouir de la souffrance de l'homme, simplement pour manipuler l'homme, pour s'en servir comme sur un immense échiquier et jouer. Non. Il y a deux humains majeur, et si nous parlons du pourquoi de la vie, nous devons l'aborder d'une façon cosmique et non pas exclusivement d'une façon planétaire. Évidemment, l'homme ancien, s'il n'a pas de concept religieux, s'il n'a pas de concept spirituel, se refuse catégoriquement d'accepter quelque chose de neuf si on ne lui en amène pas la preuve au fur et à mesure qu'on lui amène la chose neuve. Mais si nous parlons d'atomes, parmi vous ici, presque tout le monde, savez ce qu'est un atome. N'empêche que personne dans la salle ici est capable de me prouver que ça existe. Si l'on parle de molécules, personne ici ne peut me prouver que cela existe. Alors, l'humain se fie à sa science, l'humain se fie à tout ce qu'on appelle scientifique, et si je dis « moi », que l'humain est relié à un plan extraterrestre, à un plan que je nomme l'esprit, qui n'a rien à voir avec l'âme et qui n'a rien à voir avec le ciel, le nuage astral mémoriel qui entoure la planète Terre, on va me dire, oui, mais est-ce que tu peux le prouver? Et si je dis scientifiquement, ça a été prouvé qu'il y a, ben là, on peut plus croire. Mais on ne sait pas plus. Ce que j'amène ce soir, ce sont des choses que moi, je vis. Alors, je n'ai pas à les prouver. Je n'amène pas cela pour prouver quoi que ce soit. J'amène cela pour parler, pour instruire, pour informer. Une chose est certaine, c'est que l'humanité n'est pas le résultat du hasard, étant donné que sur la planète Terre, on peut voir, on peut considérer qu'il y a des lois naturelles, des lois régie par des mécanismes qui échappent à l'humain et qui font en sorte que lorsqu'une graine de blé est plantée dans le sol, ça ne donne pas naissance à un plant de tomate. Cela est mécanique, cela est régi, cela est légalisé par des lois cosmiques, sinon des lois planétaires. Mais si cela est aussi bien orchestré, on doit automatiquement exclure le fait que le hasard a orchestré ce genre de choses. Tout ce qui est intelligent et qui échappe à la conscience de l'homme, l'homme l'appelle résultat du hasard ou résultat de Dieu. Dans les deux cas, l'homme se crée une raison lui permettant de bien s'asseoir et de ne pas trop réfléchir. Mais il ne sait pas. L'humain ne s'est pas créé pour le plaisir de ses beaux yeux. Il y a une raison d'être de l'humanité dans l'univers. Il y a une raison d'être de chacun d'entre vous dans l'humanité. Il y a une raison d'être de chacune de vos cellules dans votre corps. Il n'y a pas une cellule de votre corps qui est là pour rien et il n'en manque pas une selon l'état d'expression psychologique que vous émettez. Tout est parfait autant que cela se peut. Qu'est-ce qui crée l'imperfection? C'est le concept de l'homme de ce qui devrait être. Et tout ce qui est, qui n'est pas en résonance avec ce que l'humain pense que cela devrait être, il l'appelle l'imperfection. L'humain est parfait. L'humain est aussi parfait qu'il peut l'être. Les corps physiques sont parfaits et les corps physiques sont un véhicule non pas seulement de soutien d'un mécanisme évolutif à l'échelle planétaire, mais les corps physiques sont aussi une école. Ils sont les classeurs, ils sont la mémorisation de l'expérience de l'humain. Ils sont aussi l'école parce qu'ils limitent les gaffes de l'humanité parce qu'ils limitent l'humain dans ses désirs. C'est une école. En plus d'être un véhicule. L'humain a souvent pensé que son physique n'était qu'un véhicule, le véhicule de l'âme, le véhicule de l'esprit, le véhicule de Dieu, le véhicule de la vie, le véhicule de blablabla. Le corps physique est plus qu'un véhicule. On doit l'entretenir et on doit s'en servir. Lorsque l'humain ne connaît rien, aujourd'hui, c'est extrêmement pénible pour l'homme ancien d'arriver à comprendre qu'il est possible d'apprendre des choses sans les apprendre. C'est pénible pour l'homme ancien. Pourquoi est-ce pénible? Parce qu'il sait trop, parce qu'il a trop appris, il a trop de connaissances. Cela veut dire qu'à l'époque de Toutankhamon, les pharaons de cette époque ne pouvaient pas lire de livres, un peu avant Alexandrie. Ils ne pouvaient pas lire de livres parce qu'il n'y en avait pas, ou presque pas. Alors, d'où vient la connaissance des Égyptiens? D'où est venue la connaissance de l'humanité de l'époque? Savez-vous pourquoi, il y a quelques milliers d'années, lorsqu'un prophète, lorsqu'une personne arrivait et qu'elle exprimait du neuf par sa bouche, on l'appelait prophète, on l'appelait envoyé de Dieu? Pour la simple raison que l'humanité à cette époque ne se fiait pas aux connaissances. Alors, lorsqu'un berger se présentait, et qu'il amenait des réponses neuves à des questions vieilles, on ne lui demandait pas ses diplômes, on ne lui demandait pas dans quelle école il avait étudié, on ne lui demandait rien, on lui disait simplement « merci ». Alors qu'aujourd'hui, dans les différentes nations, on a de plus en plus d'humains qui ont la faculté d'amener sur le plan terrestre des connaissances neuves, qui n'ont rien à voir avec ce qui a été expérimenté dans l'Antiquité, et on ne peut pas les écouter, ces humains, parce qu'ils n'ont pas de diplôme de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas apparemment l'autorité de la masse, parce que la collectivité ne les reconnaît pas, Dieu ne peut pas les reconnaître. L'homme ancien aujourd'hui s'imagine que si tout le monde accepte d'écouter une personne, cela veut dire qu'automatiquement l'intelligence, l'énergie supramentale ou Dieu l'acceptera. À travers nos enfants, il y en a qui commencent à avoir la faculté de parole, c'est-à-dire de répondre à des questions dont on ignore les réponses. Et ils n'auront pas besoin d'apprendre la réponse pour la dire. Ils l'inventeront et elle sera juste et exacte. Mais l'homme ancien ne peut pas souffrir ce genre de mécanisme. Et pourtant, ce mécanisme est l'une des fonctions majeures de l'existence de l'humain, le contact avec son esprit. Il y a toute une mécanique évolutive. Une mécanique évolutive. Ce n'est pas le jeu du hasard, l'évolution, cela est régi par une mécanique. Il y a des choses qui sont nécessaires pour que d'autres choses arrivent. Il y a des choses qui, lorsqu'elles sont là, empêchent d'autres choses. C'est mécanique. Lorsque vous n'avez plus d'essence dans votre réservoir d'automobile, si vous vous mettez à genoux et que vous priez votre automobile de bouger, elle ne bougera pas. Sauf si vous avez la malchance d'être dans une pente, et là, l'auto se met à bouger, et là, vous dites, « Je le savais qu'en priant, ça marcherait. » Oui, mais un jour, ça ne marchera plus. Parce qu'un jour, l'auto arrivera en bas de la côte. Et là, ça ne marchera plus. Alors là, l'homme s'arboute après son char, pousse son automobile et continue à prier. Et là, il dit, « Ça marche. C'est plus tough. C'est sans doute parce qu'il y a plus de mal sur la planète. C'est plus dur. » Non, c'est parce qu'il pousse son char puis il continue à prier. Mais à un moment donné, il finit par vieillir. Puis vieillissant, il pousse de moins en moins. Il doute de plus en plus. Jusqu'au jour où il va s'évacher sur son capot d'automobile. Mais là, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un de futé à côté de lui, qui a aussi une automobile stationnée. Et lui aussi la pousse. Alors, notre personne âgée, à côté sur son automobile, et qui voit l'autre automobile bouger, pense encore que c'est la sienne qui bouge et pas l'autre. Sa religion est meilleure que celle de l'autre. Alors, il continue à prier, il n'y a plus rien qui bouge, mais lui est convaincu que ça marche. Jusqu'au jour où, par l'enfantement, par la transmission génétique de votre évolution, de l'amélioration de l'humanité, des enfants naissent, et parmi eux, plusieurs d'entre vous, et la majorité des enfants, naissent, résultat de l'évolution massive inconsciente de l'humanité, et ces enfants ont maintenant le privilège d'exprimer ce que l'homme ancien a toujours cherché, l'homme nouveau. L'homme nouveau, pourquoi nouveau? Parce que tout ce qu'il va exprimer ne vient pas de l'expérience de la planète, ne vient pas de la connaissance planétaire, ça vient de quelque chose de neuf. Et ça fait peur à l'homme ancien. L'homme ancien se réfère alors à Moïse, qui a eu un contact avec l'intelligence spontanée, au lieu de se référer à celui qui, devant lui, a ce contact. Il se réfère au Nazaréen, qui a été l'un des premiers à permettre à l'humanité ce contact, au lieu de se référer à celui qui a le contact. Et il préfère se référer aux livres sacrés écrits par des personnes qui avaient le contact plutôt que de laisser chez lui se développer le contact. Alors s'est placé sur le plan planétaire. Il s'est instruit, c'est-à-dire qu'à l'origine, le corps physique de l'humain, avec son corps vital, son âme, son corps astral, son âme, n'ont de possibilité d'expérience que la connaissance. Ils se doivent d'expérimenter, de mémoriser pour pouvoir connaître. Alors, l'esprit de chacun d'entre les humains a créé une sphère, le ciel, une sphère autour de la planète, dans laquelle l'humanité pouvait aller puiser le début de ce qui deviendrait sa connaissance. Mais la connaissance n'a rien à voir avec le savoir. Je connais la mécanique, je ne sais pas la mécanique. Je sais que je vis, je ne connais pas que je vis. Il y a une bonne différence entre l'un et l'autre. L'un n'a pas besoin d'expérience, le savoir, tandis que l'autre a besoin de mémorisation, la connaissance. Lorsque l'humain a eu accès à cette sphère, dans cette sphère, il y avait des archétypes, des images structurées qui devaient devenir le moule dans lequel l'humain devait s'appuyer, se mouler pour pouvoir créer son monde planétaire, son monde d'apparence d'évolution, son monde d'involution. Alors, il y a eu plusieurs phénomènes sur lesquels je vais passer qui ont obligé l'humain à se collectiver, à vivre en fonction de différentes divinités, à vivre en fonction de différentes formes d'évolution, et selon les archétypes cosmiques, à créer différentes formes de société et de nation. L'humain évolue parce que l'humain doit s'ancrer les deux pieds dans la matière. La matière, c'est de la vibration aussi parfaite que l'énergie intelligente supramentale. La matière, c'est de la vibration aussi parfaite que l'énergie de ce que l'humain appelle Dieu. Sauf qu'elle est dans un état vibratoire qui permet autant de diriger son évolution. La matière, elle est régie, elle est assujettie, elle est dépendante du temps. La matière, elle se transforme, donc elle s'use. L'humain a pour fonction énergétique de devenir matière, il a bien réussi, et par la suite, en restant matière, il doit retourner vers son esprit, vers ce qu'il a créé. Mais ce qu'il a créé n'appartient pas au ciel, ce qu'il a créé appartient aux cieux. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les archétypes planétaires, avec la mémoire astrale fondamentale qui a permis la création de l'âme de l'humain. L'âme de l'humain a été créée dans le ciel. Et l'âme de l'humain, c'est de la merde. L'âme de l'homme, l'âme de la femme, l'âme de l'enfant est l'une des rares choses chez lui qui tend absolument à vouloir évoluer et qui, au nom de son propre évolution, est prêt à faire des guerres saintes. Est prêt à tuer. Mais l'esprit de l'humain, qui n'est pas assujetti à l'évolution expérientielle de la Terre, ce que l'âme appelle son Dieu. Il y a une différence notable entre le Père et Dieu. Le Père, pour l'âme, est ce qu'il a engendré. Et le Père n'est pas ce que l'humain pense que le Père est. Tandis que ce que l'humain appelle souvent Dieu fait partie plutôt d'un contexte extraterrestre et qui, selon le langage du Nazaréen, appartient aux cieux. C'est dans les cieux, c'est pas dans le ciel. Le monde des morts est dans le ciel. Le monde de la vie est dans les cieux, au-delà du contexte astral, cieliste, planétaire. Le rôle de l'humain, c'est donc d'arriver à entrer en contact. Pour l'instant, le rôle de l'humain, c'est d'arriver à entrer en contact avec un savoir instantané qui ne dépend pas de l'expérience de la planète. Tout n'a pas été accompli sur le plan planétaire. Tout n'est pas fini. Tout n'étant pas fini, ce que conserve le passé, ce n'est pas tout. Donc, il y a du neuf à venir. Et si l'homme ancien s'évertue à vouloir comprendre ce neuf à partir de son passé, il va toujours passer à côté. Certains disent, le Christ a dit qu'il reviendrait. L'énergie christique, l'énergie supramentale. Est-ce qu'il a dit comment il reviendrait? Non. On l'a décidé pour lui. Et au nom de ce passé, on tente d'expliquer le présent. Mécanisme souffrant pour l'humanité, mais souffrant surtout pour ceux qui transitent vers l'homme nouveau, pour ceux qui sont en train d'avoir accès à ce savoir instantané. Ce que je dis, c'est que présentement, le rôle de l'humain, c'est d'arriver à se séparer de toutes les formes de gourous, de maîtres, de religions organisées, de politiques organisées, de tout ce qui pense à la place de l'humain. Je disais dernièrement que l'amour, ce n'était pas du ressort de la pensée. Ce n'est pas à la pensée d'aimer. La pensée ne peut pas aimer. La pensée, elle peut choisir. Elle peut organiser selon son concept, selon ses mémoires, selon sa programmation. Alors, c'est le même phénomène. Ce n'est pas à la pensée de l'homme de contacter son esprit, de contacter ce savoir instantané qui va amener chez lui la réponse à toute forme de question posée par sa pensée. Le rôle de l'humain, j'explique d'une façon un peu dessinée, en résumé, ce qu'est l'humain. On va en reparler de plus en plus. C'est quelque chose qui doit être compris parce que lorsque l'on comprend, et la compréhension, c'est quelque chose de vibratoire, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. La compréhension ne demande pas de la connaissance et elle ne demande pas de la mémorisation. Cela veut dire que plusieurs personnes ici dans la salle qui ne sont pas érudits, ni en théologie, ni en ésotérisme, ni en psychologie, peuvent arriver à comprendre ce que je veux dire, tandis que d'autres qui vont passer leur temps à comparer ce que je veux dire à ce qu'ils ont appris peuvent ne pas rien comprendre. Nous parlons de l'existence et nous parlons de l'infini. Il y a différentes formes d'infini. Il y a l'infini qui n'a jamais connu ni de commencement et qui ne connaîtra pas de fin. Et l'infini qui ne connaît ni commencement ni fin, ça n'existe pas. Et lorsque je dis que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas là. Il y a quelque part un endroit qui n'a ni commencement ni fin parce qu'il n'est pas assujetti au régime du temps. Donc, qui n'a pas pu être créé et de ce fait ne pourra pas disparaître parce que ce n'est pas régi par l'évolution spatio-temporelle de nos structures universelles et finalement de notre propre univers. Il y a des infinis qui sont venus au monde, qui ont été créés. Et ces infinis créés peuvent ne jamais connaître de fin. Et elles ne connaîtront jamais de fin parce qu'elles sont en résonance avec une partie non existentielle de ce qui n'a ni commencement ni fin, de ce que l'humain appelle souvent Dieu. Mais ce Dieu n'est pas planétaire, ce Dieu ne fait même pas partie, de par sa propre résonance, de notre univers. Lorsque l'être humain prie Dieu, il doit prier un palliatif de cette entité inexistentielle parce que sans début, sans fin. Autrement dit, il y a des subalternes de Dieu et qui portent toujours le nom de Dieu selon les échelles où on va vouloir les atteindre. Et il y en a un, à un moment donné, qui peut être célestrisé, qui peut être placé dans le ciel et qui peut servir d'aide de communicateur archétypal avec l'humain. Mais lorsque l'humain dépasse ce Dieu, il découvre autre chose, un autre Dieu, drôlement plus vaste. Et le Nazaréen a passé par différentes étapes, et l'humain doit passer par ces mêmes étapes. Alors, d'un Dieu belligérant qui demande vengeance, l'humain passe à un moment donné à la découverte d'un Dieu d'amour, un Dieu qui dit de s'aimer entre humains, un Dieu qui est unificateur. Et à un moment donné, l'humain passe à une autre forme de Dieu, un Dieu intelligent, et ça continue. Mais l'homme ancien, de par sa mémoire, a peur de renier une chose, un Dieu. Il a peur de renier une marche au nom du fait que la marche lui a permis de monter sur l'autre marche. Mais on ne peut pas embarquer sur un bateau d'un pied et rester de l'autre pied sur la terre ferme. On tombe et on n'est ni sur le bateau ni sur la terre, on est dans l'eau. On reste dans l'air du poisson. Cette humanité, cet univers, l'infini créé peut ne pas connaître de fin. Et ce qui est intéressant dans l'infini temporel, c'est qu'une chose qui a un début et une fin est automatiquement infinie. Alors, si je prends ce verre, il y a une extrémité, une autre extrémité, il y a donc une droite entre les deux. Elle a un commencement et elle a une fin. Mais entre les deux, il y a l'infini. Parce que je peux séparer en deux et reséparer en deux et reséparer en deux et reséparer en deux éternellement, infiniment. Ça n'a pas de fin. Qu'est-ce que le terme? Qu'est-ce que ça veut dire le fait que dans un pouce, on est l'infini? Que dans une heure, on est l'infini? Que dans un grain de sable, on est l'infini? Cela veut dire qu'il n'y a rien de fini. Que dans la perception limitée de l'humain. Dans ce phénomène inexistentiel où il n'y a ni commencement ni fin, on pourra revenir dans d'autres conférences sur le mécanisme d'apparition de la création. Est apparu quelque chose à un moment donné qui a été du temps et de l'espace, et ça a été la création. Cette création, elle est apparue comme une immense explosion dans son propre continuum chez elle, une explosion à l'intérieur de cette création. Elle s'est auto-créée par explosion, c'est-à-dire par expansion. Alors, on n'a rien et on a un univers en expansion qui contient différentes formes d'expression de l'énergie inexistentielle, sans commencement ni fin, projetée dans un continuum existentiel limité par un temps et un espace. Sans temps, il n'y a pas d'espace. C'est-à-dire que sans le temps, il n'y a pas de matière parce que la matière n'a pas le temps d'être. Et sans matière, il n'y a pas de temps parce qu'on découvre le temps par comparaison à la matière. Cette expansion connue de nos astrophysiciens, l'expansion des univers, de notre galaxie, c'est un mécanisme qui, plus on tend à s'éloigner du centre source, donc de la création, plus il y aura une densification. Je dis ceci, ce n'est pas une chose à comprendre, ce n'est peut-être pas compréhensible pour le moment. C'est qu'il n'y a pas d'endroit spatial où se retrouve le centre de la création. Il n'y a pas de coordonnées au centre de la création, même celui-ci est présent dans la création. L'univers étant en expansion, les énergies qui partent d'un mécanisme inexistentiel sans commencement ni fin, c'est de là que vous venez. Vous êtes éternel, immortel, omniscient, omniprésent, omnipotent, et on pourrait presque dire omni-inconscient de cela. Le rôle de ces énergies est de se diriger plus rapidement que l'expansion de l'univers, le rôle de Dieu, le rôle de l'évolution, de se diriger plus rapidement que l'expansion de l'univers pour aller rechercher le fin fond de cette création, là où l'univers est fini dans sa création. Et entre les deux univers finis, c'est une boule. Les univers ont une expansion. Entre les deux morceaux finis, il y a quoi? Ben, il y a l'infini comme dans le verre. La création, elle est infinie, mais limitée. Comme dans ce verre, il y a de l'infini, mais c'est limité. Ce n'est pas contradictoire. Paradoxal, mais pas contradictoire. Dans ce monde fini, les énergies que vous êtes doivent aller chercher l'enveloppe de la création, devenir cette enveloppe, donc devenir ce qu'elle est l'enveloppe, et l'enveloppe, c'est la matière, le solide. Alors, ces énergies deviennent matière. Pas juste matière à réflexion, matière. Étant matière, elles doivent maintenant accumuler sur elles-mêmes le reste des énergies de cette divinité inexistentielle pour que celle-ci ne devienne pas matière et que matière. Alors, le rôle de l'humain, c'est d'être matière, de recevoir les mêmes énergies et les absorber de sorte que celles-ci ne deviennent pas d'autres matières. Les absorbant, ils créent la vie. La vie est un degré vibratoire plus haut et qui connaît la matière, mais qui n'est pas matière. Ça, c'est l'évolution. La vie permet la captation d'une autre forme de cette similitude d'énergie, et ça, c'est le plan émotif, c'est l'âme. L'âme, ce n'est pas de la vie. Et l'âme, ce n'est pas de la matière, mais l'âme permet le contact avec l'énergie mentale. Alors, on accumule cette même énergie en l'empêchant de se densifier plus bas et de devenir la création, matière. Alors, l'humain continuant à accumuler ses doses d'énergie sans les laisser évoluer jusqu'à la matière, l'humain devient donc un être évolutif. Pendant que Dieu évolue pour créer l'humain, l'humain évolue pour empêcher, pour faire cesser l'involution de Dieu, de lui. Alors, l'énergie mentale de l'humain, ce qui présentement vous habite, est en vibration suffisante pour entrer en contact avec un plan qui est tout à fait séparé du plan évolutif de la planète Terre, c'est-à-dire que présentement, l'humain est apte, l'humain conscientisé, l'humain mentalisé, l'humain habitant l'hémisphère nord de notre planète, entre autres, est maintenant en suffisante vibration pour pouvoir entrer en contact avec quelque chose de neuf. Alors, il y a eu contact, évolution, expérience de ce contact. Et à un moment donné, l'expérience s'achève. Il y a un nouveau contact. Et là, il y a expérimentation de ce contact. Il y a un nouveau contact, l'âme. Suite à ce qu'on appelle dans notre théologie la création de l'homme et de la femme, la sexualisation de la race humaine. Contact avec l'âme. Expérientiation, expérience de cette âme. Et lorsque le Nazaréen vient, contact avec l'énergie mentale, début. Alors, expérience de cette énergie mentale. Et maintenant, on en est au contact avec l'énergie supérieure au mental, avec l'énergie supramentale. On en est au contact. Et l'humain retarde le contact parce qu'il veut expérimenter encore plus son plan mental, sa science, son intellect et la logistique de sa religion. Lorsque l'humain entre en contact avec le plan supramental, l'humain est dans une phase de désassujettissement total de l'expérience abrutissante de la matière. Et lorsque l'humain entre en contact avec ce plan supramental, il va poursuivre jusqu'au temps où il sera, disons, la tête plantée dans le centre créatif et les pieds plantés dans ce qu'il y a de plus dense dans la création. Et là, l'humain pourra commencer à ramener la création vers ce qu'il a créé. C'est ce qu'on appelle le retour vers Dieu, ou c'est ce qu'on appelle aussi le retour vers vers la source. Et ça, c'est le rôle de l'humain, cosmiquement. On peut maintenant le réaborder d'une façon individuelle, d'une façon planétaire. Ça, c'est le rôle de l'humain cosmiquement. Alors, je vais laisser François. Bon, je retire de ton exposé qu'il y a donc principalement un problème d'identité ou d'identification. Il y a donc, comme tu le spécifies, deux aspects, celui qui est d'exister, qui serait vivre inconsciemment, et celui de vivre, qui serait vivre consciemment. Tu dis qu'il y a deux aspects du temps. Il y aurait un temps biologique, celui du corps physique, un temps psychologique pour le corps astral et le corps mental. Et que s'identifier à l'un ou à l'autre de ces corps, corps physique ou de l'âme, astral et mental, c'est expérimenter la souffrance. C'est donc vivre dans l'illusion du temps. Maintenant, tu nous fais voir un troisième aspect qui est celui de l'esprit, qui est en dehors du temps, qui est en quelque sorte comme en arrière-plan et qui a un point de vue dépolarisé dans lequel n'existe pas cette illusion ou cette souffrance de ces deux corps, la physique et astralo-mental. Alors, comment être en contact, avoir un point de vue dépolarisé, être en contact avec cet arrière-plan qui est l'esprit? Est-ce que c'est entre les mains de l'homme ou est-ce que c'est entre les mains de l'esprit? Bon, l'expérience, c'est entre les mains de l'homme. L'évolution, le contact, c'est entre les mains du plan supérieur qui vient contacter. Donc, si on regarde le contact supramental, le contact avec l'Esprit-Saint, l'énergie mentale de l'humain est dans une phase suffisamment logique pour être capable de créer un discernement entre le plan émotif de sa conscience et le plan logique de cette conscience. Il y aura donc deux identifications, deux personnalités qui apparaîtront chez l'humain, une personnalité émotive et une personnalité logique. Chez l'homme transitif, il y aura une lutte entre les deux où on essaiera de se demander si on doit être logique sans émotion ou émotif sans logique. L'homme nouveau arrive à conserver son plan émotif, mais celui-ci ne perturbe plus et ne perturbera plus jamais son plan mental, son plan logique. Donc, cela lui permet de rester tout à fait humain, tout à fait terrestrifié, mais en contact avec un plan désassujetti des manipulations émotives. À ce niveau, et jusqu'à ce niveau, ce n'est pas dépendant du vouloir de l'humain, c'est dépendant de l'expérience inconsciente de l'humain. Mais à ce niveau, l'humain peut maintenant commencer à prendre en main, pour la première fois de son existence, l'humain terrestre, pour la première fois de son existence, il peut commencer à prendre en main le contact. Alors, il peut faire un travail, non pas un travail d'énergisation, comme l'était le travail de la prière, mais il pourra commencer à faire un travail d'attraction. Il devra, antiquement on va dire, tu dois aimer ton Dieu. Tu dois attirer, aimer, aimanter. L'homme nouveau, l'homme transitif, plutôt, peut maintenant, lorsqu'il a une personnalisation mentale adéquate, qui n'inhibe pas, qui n'empêche pas l'expression émotive ajustée, peut commencer à faire un travail d'attraction. Il doit faire un travail d'attraction qui va attirer à lui l'énergie supramentale par le biais de ce que j'appelle l'ajusteur de pensée. Ce terme ajusteur de pensée vient du passé, mais il exprime très bien ce qui se passe lorsque l'être humain mental commence à coordonner le contact avec un plan extraterrestre. Et lorsque je parle de plan extraterrestre, ce plan extraterrestre, cette énergie supramentale, ne vient pas à bord de vaisseau. Elle ne vient pas à bord de nuages, elle ne vient pas à bord de cigares, de soucoupes. Ça n'a rien à voir avec des êtres extraterrestres. Ce n'est pas personnifié humainement. Et ça ne vient pas non plus parler dans la tête de quelqu'un. ça amène le savoir dans la tête de quelqu'un. Cela veut dire que vous savez une chose, mais on ne vous l'instruit pas. Le savoir supramental, ça ne vient pas vous dire, tu devrais te lever. Non, tu te lèves. Non. Ça fait simplement qu'à un moment donné, tu vois l'intelligence, tu te lèves et tu te lèves. C'est tout à fait différent. Alors, ça ne parle pas dans la tête. Par contre, lorsqu'une personne a un contact suffisamment ajusté avec l'énergie supramentale, il est capable de ne plus penser et d'agir en résonance avec la vie. Et il est capable aussi de ne plus penser, mais de parler. Lorsque l'être humain arrive à cet état de logique mentale, sans inhiber son plan émotif, lorsque l'humain a un cœur intelligent, ou lorsque l'humain a une intelligence aimante, lorsque le mental est capable d'avoir des émotions ajustées, là, il est temps à l'homme de commencer à faire un travail d'attraction de l'énergie supramentale. C'est ce travail d'attraction et de par le fait même un travail d'expérimentation. C'est expérientiel, mais cela peut entraîner le contact. Lorsque l'humain a le contact, il va évidemment lutter entre l'expérience mémorisée du contact et l'expression instantanée du contact. Et là, ça crée un autre problème chez l'humain, c'est qu'il reçoit un message vibratoire, il le transmute en pensée, il se l'enseigne, et après, tout fier, il va le dire. Là, il expérimente d'une façon mémorielle le contact. Tandis que si l'humain n'a plus d'ego, donc plus d'orgueil, lorsque cette vibration d'un savoir est présente chez lui, il l'exprime immédiatement, soit en action, soit en parole, soit en vibration, mais il ne le mémorise pas pour pouvoir en jouir. Donc, il ne l'expérimente plus. Il laissera à la Terre l'expérimenter. Bien, alors si le phénomène d'attraction du contact, là, s'il est relié au bloc émotionnel ajusté, là, comment ajuster le bloc émotionnel? Bon. Jusqu'au plan mental, avec une émotion ajustée, jusque-là, ça ne regarde pas la volonté de l'homme. À ta question, la réponse la plus directe serait « ça ne te regarde pas ». Parce que l'humain qui a de l'émotion ne peut pas étouffer l'émotion pour arriver à un contact, ça ne fonctionne pas. L'humain doit expérimenter, c'est-à-dire que vibratoirement, en résonance avec la vie, dans l'école que moi j'appelle la vie, il va finir par être parfait. C'est-à-dire qu'il va être perfectionné à un point où, à un moment donné, chez lui, se développera ce noyau de conscience mentale. Et lorsque le noyau de conscience mentale va apparaître, alors automatiquement, il aura une différenciation au niveau émotif. Et là, il pourra, lui, le mental, commencer à ajuster l'émotion par l'intermédiaire de l'intellect, de l'ajusteur psychologique. Donc, tu veux dire qu'au départ, il y a juste à vivre les expériences qui se présentent dans la vie. Exactement. Si tu me demandes pourquoi tu ne vas pas au Bangladesh en parler parce qu'il n'y a rien à faire, ils ne comprendront rien. Non, il faut qu'ils continuent à faire ce qu'ils font. Ils ont une évolution qui est très, très rapide, qui est très cela, mais ils ont une évolution qui est tout à fait inconsciente et qui le restera. Alors, je n'ai rien à dire au Bangladesh, je n'ai rien à dire en Iran, je n'ai rien à dire un peu partout sur la planète. Je ne peux parler de ceci qu'à des personnes qui sont en marge d'avoir de pouvoir vivre le discernement entre leur mental logique et efficace et leur plan émotif plaisant mais nuisant. Entre le fait que tu peux boire de l'eau et la trouver chaude et dire « Pierre, tabarnouche! » Et là, tu viens de goûter psychologiquement ton eau. Si tu es capable de dire « Bon, de toute façon, j'ai soif. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que je me déshydrate. » Là, il y a le mental qui vient de travailler, qui vient de placer l'émotion nuisible à sa place. Alors, tu n'en souffres pas, il n'y a pas de problème. Ton eau est chaude, tu la bois. Et mentalement, tu vas t'arranger la prochaine fois pour avoir de l'eau feu un peu plus froide, histoire que l'ego ne puisse pas se servir de ce mécanisme sensoriel pour y apparaître. Quand la personne découvre cela, parfait, là maintenant on peut se parler, parce qu'à partir de ce moment, elle est dans une phase de personnalisation mentale, donc il y aura une personnalité mentale et une personnalité émotive. Il n'y aura pas qu'une personnalité émotive assujettissant, contrôlant et manipulant le phénomène logique. Alors toi, tu as peur, tu as un phénomène mental suffisamment logique, mais il est assujetti à ta peur, alors tu vas t'acheter un revolver. Et là, quelqu'un, il y a du bruit chez vous, tu sors ton revolver et tu tires à travers la fenêtre, tu descends le voisin qui faisait du jogging. Bon, alors pourquoi? C'est que tu as un mécanisme intelligent assujetti à ton plan émotif. Lorsque tu deviens un être transitif suffisamment avancé, tu achètes peut-être un revolver parce que tu connais le contexte. Bon, peut-être. Tu as peur. Et lorsque tu entends du bruit, tu prends peut-être ton revolver, tu ouvres les rideaux, tu fais attention. Donc, à tout, même si tu n'as pas appris, militairement parlant, à ne pas te faire descendre, il se trouve que tu es capable d'être aussi efficace qu'un militaire parce que, fonctionnant logiquement, tu verras tous les dangers sans peur et tu sauras les éviter. Et si là, il y a un danger, tu interviendras. Là, il y a personnalisation mentale, personnalisation émotive. Il y a déjà personnalisation émotive, mais il y a aussi identification émotive, et c'est ça le problème. Il faut cesser de s'identifier dans la personnalité émotive. L'identité, il faut qu'elle parte. Il doit rester la personnalité émotive, la personnalité mentale, mais pas l'identité. Alors, lorsque l'humain a une personnalisation mentale et une personnalisation émotive, astrale, lorsque l'humain est capable de discerner, est-ce que ça veut dire qu'il contrôle tout? Est-ce que ça veut dire que tout le temps? Non! Quand on transite, on transite. Quand on est en train de transiter entre deux aéroports, ben on n'est pas rendu. Quand on est rendu, on ne transite plus. Alors, l'homme, la femme et l'enfant transitif peuvent percevoir le mécanisme mentalo-psychologique, mentalo-astral, mais ne pas être capable de le régir tout à fait. C'est pas grave, ça. On commence par comprendre, et puis après ça, ça s'applique. Alors, à un moment donné, de plus en plus cela va aller, plus le mental aura la faculté de régir le plan émotif. Alors, lorsque tu dois aimer, tu aimes. Lorsque ça te fait mal, tu n'aimes plus. Lorsque tu dois haïr, tu n'haïs pas parce que ça n'a aucun sens, ça te fait mal. Lorsque tu contemples des choses, tu les contemples, tu entres en résonance vibratoire avec, tu les vibres, tu deviens ces choses, tu te fusionnes à eux, tu restes tout à fait efficace. Et lorsque tu dois être anémotif, sans émotion, parce que là, il y a un mécanisme pratique, logique, d'efficacité totale à exprimer, alors il n'y a aucun problème. À ce stade, l'humain peut commencer à attirer, donc à essayer et à réussir à entrer en contact avec son ajusteur de pensée. Donc, il devra pratiquer le contact avec l'ajusteur de pensée et automatiquement, il y aura une attraction entre les deux. L'ajusteur de pensée peut descendre au niveau terrestre jusqu'à un point d'attraction ou de répulsion terrestre qui fait qu'il ne peut pas venir se connecter à l'homme. Si l'humain dans son mental commence à attirer, il donnera juste le peu d'énergie qui manque pour que l'attraction entre les deux plans évolutifs puisse combattre la répulsion du plan évolutif terrestre. Donc, on passe, en tout cas, la période de transition dure aussi. Juste deux secondes, okay. Je vais juste peut-être baisser un peu ce que je viens de dire, peut-être pour comprendre quelque chose. Prenons juste l'exemple que Dieu veut communiquer avec l'humain, et ce Dieu descendant vers l'homme ne peut pas le toucher parce qu'il est repoussé par la peur de l'humanité, de ce contact avec Dieu. Lorsque l'humain commence à attirer un peu plus ce Dieu, la peur n'est plus assez puissante, et là, ce Dieu, donc cette énergie supramentale, vient le toucher. Et qu'est-ce qui répulse? C'est la peur de l'humanité de connaître ou de savoir. Bon, oui. À la place de Dieu, est-ce qu'on pourrait dire une intelligence universelle ou quelque chose de ce genre-là? Un autre terme, parce que Dieu, non, regarde, ça veut tout dire juste, et ça veut rien dire. Ouais, je vais te corriger, c'est qu'à la place d'intelligence universelle ou d'intelligence supramentale, on peut dire Dieu. Oui, mais ça prend une coloration religieuse et chacun a une interprétation différente du mot. Oui, mais comme je dis, c'est qu'à la place d'intelligence supérieure, etc., là, pour que, selon les archétypes de la majorité, on puisse comprendre un peu le principe. Alors toi, si tu veux me dire, est-ce que Dieu, c'est pas dangereux? Oui, c'est dangereux. Mais est-ce qu'on peut, à la place de Dieu, dire telle autre chose? Non, parce que Dieu, c'est secondaire. Donc, à la place de ça qui est primaire, on peut dire Dieu. C'est pourquoi je suis donc d'accord avec toi. C'est pas important, ça dépend où on se situe. Maintenant, est-ce que la période de transition dure donc tant qu'on n'est pas tanné de souffrir? Avant le contact avec l'ajusteur de pensée, on passe par l'expérience, on souffre. Tant qu'on n'est pas tanné de souffrir, on va continuer à expérimenter, donc, et on va être dans cette période transitive. Bon, la souffrance, c'est le sujet de la semaine prochaine. Alors, ce qui fait qu'on peut l'aborder un peu, juste un petit peu comme ça, mais il y a des mécanismes qui permettent à l'humain, même s'il n'est pas tout à fait parfait, donc perfectionné encore, d'arriver à se dégager, mais cette souffrance, ou moins attendre à se dégager de la souffrance. C'est toujours la signature du mensonge, souffrir évidemment, plus mal. L'incompréhension, l'inconscience ou la connaissance. C'est la pensée. D'ailleurs, c'est là qu'est la souffrance. Mais ce qui peut arriver, c'est que au fur et à mesure que l'humain va ascender, donc va évoluer, va vivre cette ascension énergétique, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'ascension au niveau hiérarchique, il y a une ascension au niveau énergétique, vers cet ajusteur de pensée, vers ce contact extraterrestre, au fur et à mesure que l'humain va vivre cette ascension, il vivra chez lui une souffrance, parce que la souffrance, c'est le refus de la mémoire de se transformer. Plus l'humain est obligé, plus il est attiré vers l'intelligence, plus Ce qui est mémoriel, plus la connaissance, plus l'identification qu'il a de lui, tend à ne pas vouloir monter. Alors évidemment, il y a des déchirures, il y a des formes qui se brisent, et tant qu'il y aura de la résistance, il y aura de la souffrance. Quand ça va se terminer? Lorsque cette souffrance, elle est psychologique, l'être humain souffre, l'être humain espère, l'être humain croit, l'être humain prie, l'être humain maudit, l'être humain haït. Et à un moment donné, à force de souffrir, l'humain finit par augmenter quand même son taux vibratoire jusqu'au point, parce que la souffrance, ce n'est pas émotif. La souffrance, elle est générée par le plan émotif, mais la souffrance, elle n'est pas... La souffrance, elle fait partie de l'enveloppe de l'âme. La souffrance, elle fait partie de l'enveloppe de l'émotion. La souffrance, elle n'est pas intégrale à l'émotion. Ça doit être comme une friction ou un frottement. Oui, mais ça crée une vibration qui est astralo-mentale et qui peut jouer autant dans le plan astral que dans le plan mental. Alors, il y a une partie du plan mental qui est trop vibratoire où il n'y a plus de souffrance. Mais il y a une partie du plan astral qui est insuffisamment vibratoire où il n'y a pas de souffrance non plus. Alors, celui qui est bas en vibration au niveau de son âme, de sa psychologie, ne souffre pas. Mais lorsque tu commences à te conscientiser, lorsque tu commences à vouloir parler de paix, ta vibration monte. Et il vient à un moment donné que la vibration est suffisamment haute pour que tu conscientises cette énergie de souffrance qui a toujours été présente chez l'humain, mais qui n'a pas toujours été conscientisée par l'humain. Alors là, tu découvres la souffrance. Quand on parle de souffrance émotive, souffrance spirituelle, mais ce n'est pas, c'est une friction, mais qui est extérieure au plan même de l'habitacle de l'émotion. Alors l'humain souffre et il continue quand même son augmentation vibratoire. Alors à un moment donné, il devient plus mental. Et cette souffrance maintenant perceptible par le mental, elle devient donc une souffrance mentale. Et là, lorsqu'on commence à vivre la souffrance mentale, cela veut dire qu'on se rapproche du phénomène d'être écœuré, d'être écœuré, d'être écœuré. Lorsqu'on est écœuré d'être écœuré, parce qu'on peut être écœuré, mais lorsqu'on est écœuré d'être écœuré, puis lorsqu'on est écœuré d'être écœuré, d'être écœuré, là, ça veut dire qu'on finit par se dire « c'est absurde ». Ça, c'est un raisonnement mental. Tu dis plus, je veux pas, je t'année, je... Non, c'est absurde, tu n'en vois pas la logique. Lorsque tu souffres parce que tu ne vois pas la logique, le rôle de ta souffrance, c'est une souffrance mentale. Et là, tu t'approches de la destruction de ce contact de souffrance. Et à un moment donné, l'humain finit par se désassujettir de la souffrance, mais ça, c'est le sujet sur lequel on va revenir la semaine prochaine. Bon, si l'intelligence universelle peut être l'équivalent de Dieu, est-ce que l'ange gardien, c'est l'équivalent de l'ajusteur de pensée? Bon, l'ange gardien peut être comme Dieu l'équivalent de tout ce qu'on veut. Et c'est d'ailleurs le problème du mot Dieu. L'ange gardien, bon, alors je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une conférence au mois de juin qui s'intitule « Avez-vous un ange gardien? » Bon, alors on va parler de l'ange gardien d'une façon suffisamment ample pour pouvoir y revenir. L'ange gardien peut être l'ajusteur de pensée, mais l'ange gardien peut être l'ajusteur psychologique. L'ange gardien peut être aussi une partie des phénomènes... En tout cas, on peut en parler toute une soirée de temps, alors c'est pour ça que j'aimerais mieux ne pas rentrer dedans, repousser cela et continuer encore sur le pourquoi on vit. Oui, mais c'est important pour nous autres de savoir... Picasso, hein? Si ouais. C'est important, on va le savoir. Si c'est important, on fait une conférence sur ce sujet-là. Ben oui, parce que... Écoute donc, tout le monde veut savoir si un jour il y a un ajusteur de pensée. Est-ce que tout le monde a un ajusteur de pensée, d'abord? Bon, d'abord, on en a parlé lors de la conférence, l'ajusteur de pensée. Il y a différents ajusteurs collectifs et chaque être humain qui a un plan raisonnant mental peut entrer en contact avec l'ajusteur de pensée d'une façon consciente, tandis que l'humanité qui n'a pas de plan raisonnant mental suffisamment avancé va être assujettie à différentes formes très involuées d'ajusteurs de pensée, donc ce ne sont plus des ajusteurs de pensée. Cela fait partie de toute la hiérarchie des anges gardiens qui ne sont pas nécessairement en résonance vibratoire avec ce que nous, on peut appeler ici ajusteurs de pensée. Et c'est quoi un ange gardien ou un ajusteur de pensée? D'où ça vient? D'où ça sort? C'est quoi son rôle? Est-ce que tu étais là quand on a fait la conférence des ajusteurs de pensée? Certainement pas, ça doit pas. Sans doute un vendredi où c'est Guy qui m'a interviewé. Alors, faudrait que tu écoutes la cassette. Bon. Alors, les anges gardiens, on va y revenir. Ce que c'est qu'un ange gardien, c'est une forme archétypale vibratoire qui permet à l'humain de conserver son chemin malgré qu'il est tout à fait ignorant et aveugle de ce qu'il fait et de où il est. C'est quoi une forme archétypale, alors? Alors, une forme archétypale, c'est une instruction placée dans la mémoire, dans une mémoire qui pourrait servir d'information de connaissance, donc d'instructeur, aux premières formes d'humanité sur le plan planétaire. Cela veut dire que lorsque l'humain se couchait et il dormait, il rêvait automatiquement à des mécanismes qu'il avait lui-même expérimentés dans sa journée. Alors il se couchait, puis là il rêvait à un brontosaure ou à un archéoptérix ou à un diplodocus. Ou bien il rêvait simplement, ou une femme aussi, remarquez bien, ou bien il rêvait que des mécanismes de création des pères, des dieux, un monde où, les ancêtres vivaient, le monde des morts. Alors il rêvait à des choses, donc il était instruit par ce que l'intelligence avait dessiné comme école à l'humain. Ça, c'est les phénomènes archétypales de la première conscience de l'humain. Donc, c'est toute sa mémoire, toutes ses émotions condensées quelque part dans le mental. Oui, mais c'est même une mémoire. L'archétype comme tel, c'est une mémoire qui a été condensée afin d'instruire l'humain, mais qui n'a pas été créée par l'humain, mais qui va être nourrie par l'humain par la suite. Donc, c'est encore une fois un intermédiaire... Officiel. OK, mais tu as commencé ta conférence en disant qu'il fallait supprimer les intermédiaires. Oui, officiel. Mais là, ça tu me parles que... du passé, là. OK. Ça va être quoi le rôle de l'ajusteur de pensée une fois qu'il aura rempli son rôle? Bon, lorsque, justement, faudra t'écouter la conférence. Lorsque l'ajusteur de pensée a rempli son rôle, soit qu'il est fusionné, intégré, soit qu'il est rejeté, un ou l'autre. Mais il ne reste pas là comme hiérarchie, il ne reste pas là simplement comme contacteur. C'est un mécanisme créé par le mental qui relie l'énergie supramentale. Alors, ou bien il devient fusionné pour éviter. L'ajusteur de pensée, c'est un canal. C'est un canal qui permet au double éthérique de pouvoir être créé à partir de l'âme lorsque l'âme sera supramentalisée pour constituer à l'extérieur du contexte du ciel planétaire, donc mémoriel et colorant planétaire, quelque chose d'autre pour permettre à l'humain, lorsqu'il va mourir d'une mort physique, de ne pas mourir d'une deuxième mort, la mort du monde des morts. Parce qu'il y a deux mortalités tout à fait différentes. Alors, l'ange gardien, t'as compris? Bon, c'est parfait. Ah, mais ça, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Là. On voit le rôle de tous ces intermédiaires et de tout ce qui est en arrière-plan dans la vie ou dans la nature. C'est là que ça commence à devenir intéressant pour moi. Est-ce que tout cela fait partie, tout ce travail-là fait partie de l'échafaudage d'une conscience supramentale qui tend à réunir à réunir les différents corps de l'homme, là, aller vers ce que Aurobindo appelait l'homme intégral, dans le dépassement ou la mutation de la mort. Est-ce que ça s'en va vers l'immortalité? Quel sens elle prend? Bon, premièrement, oui, c'est ça, l'homme, comme tu dis, moi j'appelle ça l'homme réel, c'est ça. C'est l'homme intégral, parfait. Lorsque le corps physique de l'humain meurt, son âme, qui est entourée de l'énergie périsprique, donc d'énergie vitale, qui conserve la mémoire. Parce que l'âme, elle est de type vibratoire astral, sauf que l'enveloppe de l'âme, il est de type vibratoire éthérique, donc vital. Cette âme, lorsqu'il quitte le corps physique, peut errer dans le plan vital, donc dans le plan similimatériel sans corps physique, et connaître l'enfer d'après-mort. Lorsque cette âme approche du monde des morts qui est le ciel, donc il y a une résonance vibratoire astrale, lorsqu'il l'approche, il ne veut pas y aller parce qu'il ne veut pas perdre l'enveloppe, le périsprit, ce qui conserve l'identité à cette âme. Lorsque l'âme approche du monde des morts, il est attiré par une lumière, donc par une vibration vers le monde des morts. Lorsqu'il approche du monde des morts, il y a des formes mémorielles, presque du genre archétypal, mais qui vont être nourries par l'humanité, par la personne qui meurt, qui vont lui tendre la main, qui vont l'approcher, qui vont l'attirer, qui vont la convaincre de venir dans le monde des morts. Lorsque l'humain n'a pas d'ajusteur, lorsque l'humain n'a pas de double éthérique, donc lorsque l'humain reste assujetti au plan des morts, il se connecte au monde des morts et automatiquement, dans le monde de l'astral, le monde des morts, l'énergie vitale de l'enveloppe de l'âme ne peut pas pénétrer. Alors, il ne pénètre que l'âme et automatiquement, l'âme est dissoute, donc digérée par le plan du monde des morts, ce qui est expliqué aussi par la théologie lorsqu'elle dit que dans le ciel, on rejoint ceux qu'on a aimés et on les rejoint éternellement. Bon, c'est parfait. Lorsque l'humain se réincarne, lorsque l'humain revient, il n'y a pas de réincarnation structurelle comme on l'enseigne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'identification de l'humain qui revient. Alors, on continue le processus évolutif du ciel par rapport à l'humain. On crée de nouveaux humains suite à l'expérience du monde des morts. Lorsque l'humain, dans son monde vivant, est capable, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, de créer un double éthérique à l'extérieur du monde des morts, donc dans le plan supramental, dans un plan qui n'est pas relié à l'expérience de la Terre, lorsque l'humain meurt de son corps physique, un jour, il ne mourra plus de son corps physique, mais pour l'instant, lorsque l'humain meurt de son corps physique, il s'en va aussi dans le monde vital, il aperçoit le monde des morts et il aperçoit aussi la lumière de son double éthérique. Le double éthérique ou le double vital ou le double supramental est de même nature constitutionnelle que l'enveloppe de l'âme, sauf qu'il est dans un plan extraterrestre. Alors, automatiquement, cette personnalité Parce qu'il faudra bien comprendre que l'identification et l'ego devra être divinisée, supramentalisée pour créer le double éthérique. Alors, lorsque la personne meurt, elle n'a plus d'identification. Alors, elle se fout de mourir ou de vivre. Elle en comprend le fonctionnement. Et lorsqu'elle est dans le monde, entre le monde des morts et le monde vivant, elle se dirige vers le double éthérique, ce qui va lui permettre par la suite des réincarnations identifiées, c'est-à-dire qu'elle aura connaissance de ce qu'elle fait, de son an, de sa vie antérieure, sans dire qu'aujourd'hui l'homme ne l'a pas. Et elle pourra parfaire la création de son double éthérique, qui va lui permettre de vivre maintenant une expérience dans les plans extraterrestres, ce qu'on appelle les plans de Dieu, et en même temps de poursuivre, tant que ce sera nécessaire, son expérience au niveau du plan terrestre, dans le plan de l'homme. Alors on aura donc un humain Dieu ou un Dieu fait homme, mais on aura un contact entre les deux plans chez un humain par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée qui devra être pitchnoté, qui devra être dissous, qui devra être fusionné ou simplement expulsé pour servir d'ajusteur expérimenté au reste de l'humanité. Autrement dit, on est comme une fusée